Je pars pousser sans répit. Je me faufile dans la nuit. Je passe le taf et après, comme chacun, je me relaxe. Je rentre me coucher à l'heure où vous vous levez. Je vois des gens lasses quand je suis pimpante. Ma vision décalée par mon emploi du temps. Des fois, j'ai foi en cette vie renversée. Un soupçon d'organisation pour ne pas sombrer dans l'obscurité. Je fais mes nuits dans l'après-midi. Je vis ma vie en décalé. Inversé, pour midi à minuit. Mon petit déj pendant le JT. Je suis là, celle-là. Celle qui se faufile sous tes draps. Je me suis habituée à ne pas te réveiller. Plus tard, tu t'en vas avec l'art d'être délicat. Tu pars vivre ta vie. Quand je me suis endormie, je fais mes nuits dans l'après-midi. Je vis ma vie en décalé. Inversé, mon midi à minuit. Je mélange la vie de mes jours et de vie.